Chapitre 7e. J'ai retracé rapidement Copenhague, le Copenhague en pierre, le Copenhague babylonien. Mais il faut dire aussi quelques mots du Copenhague des idées, du Copenhague intellectuel et politique, grand centre moral et intellectuel, qui a eu successivement pour représentants Tycho Brahe, Römer, Holberg, Oehlenschläger et Thorvaldsen. Le physicien inventeur Oersted, sans lequel nous n'aurions pas la télégraphie électrique, Finn Magnusson, le Kreutzer de la Zélande, Roseving, l'un des initiateurs au droit septentrional, Rask, un philologue polyglotte, ont enseigné à Copenhague. Thomas Bartholin et Winslow, deux des plus grands anatomistes qui aient existé, et entre Stenon, un anatomiste aussi, et de plus, selon Deluc, le premier vrai géologue, appartiennent au Danemark. Malte Brun, le géographe, y est né. Jean-Louis Heiberg vient d'y expirer, Heiberg dont le dernier ouvrage est « Une âme après la mort », Heiberg qui avait créé le vaudeville satirique danois, comme Holberg avait créé la comédie danoise. D'autres poètes que Heiberg, des poètes et des écrivains bien divers, ont vécu ou vivent à Copenhague, à côté des artistes, dans une renommée nationale qui mériterait de devenir européenne. Je citerai Gundwig, Hauch, Hertz, Christian Windberg, Holz, Paludan Müller, parmi les hommes littéraires et parmi les hommes de la peinture et de la sculpture, Marstrand, Exner, Fröhlich, Skorgarg, Sonne et Bissen, l'élève de Thorvaldsen, un élève qui fera probablement un maître. Je me garderai bien de taire, soit Hingemann, le romancier historique, fixé désormais au bord du lac de Soro, soit Simonsen, le coloriste original dont j'ai remarqué trois tableaux à Charlottenburg et qui serait digne d'une biographie entière. Je dois malheureusement me borner, et cependant je n'omettrai ni le professeur Hoyen, un grand critique d'art, dont la science est profonde et l'intelligence vaste, ni Jirikau, ni Melby, un sculpteur et un peintre dont Copenhague a raison de s'enorgueillir et qu'elle peut montrer à ses ennemis comme à ses amis, ni enfin Christian Winter, âme souple et pleine de contrastes. Il confine parfois à Alfred de Musset, et souvent aussi à Théocrite. Il aime les champs, les paquages, les maisons couvertes de chaume et la Bible du paysan près du foyer et le nid de la cigogne sur le toit. Voilà ce qu'il aime. Et il l'aime ici, car il est danois jusque dans le cœur. Paludan Müller est un vrai lyrique, d'une fantaisie singulière. Holz excelle dans la chanson martiale. Qui ne sait et ne scande par moments le petit trompette. Holz serait sans effort le gleim du régiment, le tirté du Dannebrog. Hertz doit être placé très haut parmi les poètes dramatiques et lyriques. Son style est accompli. Sa mère, avant d'accoucher, s'écria que l'appartement était en feu. On la calma en lui apprenant que ce feu était une illumination en faveur de la naissance d'un prince royal. Elle tira de cette circonstance un augure favorable qui est bien justifié. Hauch est un très grand écrivain. Il a réussi dans le drame. Il a traité aussi avec beaucoup de succès le roman historique. Il a marqué d'un cachet personnel. Hingemann est le Walter Scott et le Perrault du Danemark. Les vieillards, les femmes, les jeunes filles le lisent et le relisent. Les enfants l'idolâtrent. Du continent et de toutes les îles de la patrie, les enfants se sont cotisés pour faire un présent à Hingemann. Ils lui ont acheté une corne d'or aussi haute que celle des buffles, aussi colossale que celle dont les vieux Scandinaves se servaient pour boire l'hydromel. Cette corne est sculptée et ciselée de petits bas-reliefs qui représentent les principales figures des ouvrages d'Hingemann. Le jour où une timide députation a offert cette coupe bizarre au poète a été pour lui un beau jour. Des témoins même ont partagé l'attendrissement d'Hingemann. Ils sont revenus enchantés de cette scène touchante de Soro. Ils avaient trouvé Hingemann plus aimable, le lac plus riant, et les arbres plus grandioses dans leur antiquité. Aborder Gundwig, c'est aborder la religion elle-même. Gundwig est poète aussi, mais il est par surcroît historien et théologien. Il a le don de l'infini. Après trois siècles, Luther a trouvé en Gundwig un éloquent interprète et il en a été agrandi. Le mélange-ton inspiré de nos jours a été le narrateur des temps primitifs et mythologiques du Danemark. Ce puissant réacteur contre la philosophie de la Révolution française était un simple pasteur de paroisse. Ce qui n'a pas été un obstacle à sa double influence sur le développement pieux et patriotique de son pays. La fortune lui est arrivée tard, et en daignant l'accueillir, il a semblé accorder une faveur. À 76 ans, il a épousé une très grande dame, éprise de son génie et de ses vertus. Il a plus de 80 ans aujourd'hui, sans cesser d'être jeune, de la jeunesse immortelle. Gundwig est un homme qui, s'il était plus connu, serait vénérable à toutes les nations autant qu'à sa patrie. Finn Magnussen est célèbre à d'autres titres. Né en Islande, il a déchiffré les manuscrits islandais. Il était le burnouf indigène du sanskrit scandinave. Il avait la clé des runes et des traditions. Sa mort a été une calamité européenne. Il avait séjourné, ainsi que moi, au château de Glorup, avec Rask et avec les deux Hørstedt. Ces deux illustres Hørstedt ne pouvaient vivre l'un sans l'autre. Le plus grand, le physicien, est le Newton du Danemark, dont le jurisconsulte a été le Papinien. Ils étaient aussi aimables dans le monde que féconds dans la solitude. Pour exprimer leur union fraternelle, on les avait surnommés Castor et Pollux. Ils sont restés deux constellations du Danemark. Ils n'étaient en désaccord que sur la politique. Le physicien croyait au progrès que niait le jurisconsulte. Le premier se représentait l'esprit humain comme un fleuve qui avance toujours, le second comme un lac dont les mouvements alternatifs se brisent contre les bords dans une éternelle impuissance. Il y a d'Hørstedt, le physicien, qui était l'homme de génie des deux, un mot charmant sur Rask. « Je l'envie, disait-il. Moi, si je sors de la Zélande ou de la Fionie, je suis arrêté à chaque pas. Un aubergiste m'importune, un postillon m'embarrasse. Rask, lui, qui sait toutes les langues, tous les dialectes, tous les patois, pourrait partir de Copenhague et y revenir par le tour du monde. Non seulement il se tirerait d'affaires partout, mais il en remontrerait sur sa route aux sauvages non moins qu'aux académiciens. Il rectifierait en se jouant les grammaires, les dictionnaires et les conversations. Je terminerai cette nomenclature par un des noms les plus populaires de la génération actuelle du Danemark, par le nom d'Andersen. Rien n'est plus touchant que la biographie de cet écrivain. Il est né à Odense d'un pauvre ouvrier. Il a été bercé dans une de ces petites maisons dont un pot de fleurs, un oiseau et un rayon égaient le dénuement. Quelquefois, cependant, quoique rarement, ce dénuement devient de la misère. C'est ce qu'éprouva Andersen. Son père mourut. Sa mère manqua de pain. Il résolut de lui en trouver. Il alla glaner dans les champs. Les moissonneurs le chassèrent d'abord de la voie, puis avec le fouet. Le généreux enfant ne se découragea pas. La muse le conseilla. Il avait 12 ans à peine. Il eut la pensée de composer des poèmes qu'il récita aux paysans. Orphée rustique, il dompta ses barbares, il les émut, les attendrit. Ils lui permirent de glaner. Bien plus, ils lui firent eux-mêmes de frêles gerbes, afin qu'il pût les porter sans fatigue. Les jeunes filles ajoutaient des bouquets de bluets et de coquelicots pour sa mère. Andersen était sauvé. Il eut encore bien des traverses, mais il avait recours à la muse. La Providence se communiquait à lui sous cette forme et l'affranchissait par les chansons. Andersen était un conteur très religieux, très personnel et très danois. C'est ainsi qu'il pénétra dans les chaumières, dans les maisons, dans les châteaux et jusque dans les palais. Ce pauvre petit glaneur a fait de son nom modeste un nom glorieux. Il a eu des rois pour mécènes et des princesses pour amis. Tout son peuple, le peuple de Danemark, est fier de lui et l'exalte sur le continent non moins que dans les îles. Pendant mon séjour à Copenhague, la Diète s'est assemblée. Elle se compose de 101 députés et de 51 pairs, divisés en deux chambres à Christiansborg. Les orateurs parlent de leur siège, comme en Angleterre. Ils n'ont pas de tribune. Les députés sont nommés pour 3 ans, les pairs pour 8. Ils reçoivent tous à peu près 9 francs par jour. Les membres de la chambre populaire sont nommés par le suffrage universel et direct. Les membres de la chambre haute sont nommés par le suffrage indirect à 2 degrés. Aucun revenu n'est exigé des premiers, un revenu de 3500 francs est exigé des seconds. Tous les citoyens, pères de famille, qui ne servent pas, qui savent lire et qui ont 30 ans, sont électeurs. La Diète de Copenhague a sa part de souveraineté. Ses votes sont indispensables à la création des lois. Il n'y a pour elle qu'un roi constitutionnel. Les duchés de Schleswig, de Holstein et de Lauenbourg ont chacun une diète particulière qui n'a d'autre droit que le droit de conseil. Là, le roi est absolu. Un conseil d'État, nommé pour 8 ans, est de plus institué afin de veiller aux 3 grands intérêts généraux du royaume et des duchés, à savoir la flotte, l'armée et les affaires étrangères. C'est dans ses limites et sur un terrain brûlant, mouvant, plein de mirages, que s'agitent les passions sociales. Cette nation est monarchique de cœur. Le roi actuel, Frédéric VII, est très aimé de l'ouvrier et du paysan. La bourgeoisie lui est dévouée. Personne n'oublie que la charte de liberté sous laquelle vit et prospère le Danemark est due au roi. Toutes les classes sont puissantes. Le peuple par le nombre et par l'aisance, la bourgeoisie par les lumières et par l'argent, la noblesse par l'éducation, par les manières, par la charité, par la propriété territoriale. Si l'on remonte des chaumières du paysan et des maisons du citadin aux résidences seigneuriales des nobles, rien n'est plus pittoresque dans la géographie du Danemark, et rien n'est plus grave dans sa politique. Il y a au moins 200 châteaux en Danemark. J'en ai admiré beaucoup. Il y en a d'imposants dans leur masse, il y en a de charmants dans leur légèreté et dans leur fantaisie. Les uns sont environnés de murs crénelés, flanqués de tours solides. Les autres sont dentelés d'ornements, décorés de cintres, d'ogives, d'échancrures, de galeries, de balcons, où l'imagination arabe et l'imagination écossaise se rencontrent avec le caprice scandinave. Il y a des châteaux qui sont des citadelles féodales, des donjons tristes, menaçants. D'autres sont des résidences de chasseurs au milieu des bois. D'autres, des nids d'alcyons au bord de la mer. D'autres, des palais vénitiens sur des lacs ou sur des étangs, dont les ponts ciselés se réfléchissent à la surface des vertes lagunes. D'autres, plus rares, sont des Rosenborgs privés où le goût le plus exquis, sans abdiquer le passé, l'a relié au présent par les miracles du bien-être moderne et par l'enchantement des arts. Ces châteaux de barons ou de comtes, ou simplement de riches, ont une signification sociale et politique. Parfois, des territoires vastes comme des petits royaumes s'y rattachent, et les nobles ont des possessions aussi étendues que des souverainetés. Ici, c'est le baron Joël qui, de son château de Valdemar, règne en grand propriétaire sur l'île de Tasinge. Là, c'est le comte Alfeld Laurvingen qui, de son château de Tranebjörg à Langland, n'aperçoit en quelque sorte qu'une frontière à ses domaines, et c'est la Baltique. Ailleurs, c'est le comte Knut dans l'île de Lalland, le comte Danneskiold dans l'île de Samsø, le comte Guillaume Molke à Breknved, le comte Joelvin Friis, le plus grand propriétaire, je crois, du Danemark, dans sa résidence de Frisenborg en Jutland. C'est le château de Gram en Schleswig. Ce sont en Zélande les châteaux de Svanholm, de Holmgard, de Kongsdal, de Listrup, de Ravenstrup, de Sventrup, de Nøsbyholm, de Gisfeld, d'Adlersborg, de Borby, de Lovenborg et de Holsenborg. En Fionie, c'est le fief de Moltenburg, dont le Rup n'est qu'une des terres et une des résidences. Ce sont les châteaux de Skosbo, de Ravenholt, d'Oberklunde, de Nøkkebolle, de Holfugard, de Breitholborg, d'Eggeskov, de Liggesholm, de Holkhaven, de Rigard et bien d'autres qui sont pour la plupart de la fin du XVIe siècle ou du commencement du XVIIe, de 1550 à 1650. Ils symbolisent féodalement un immense espace du Danemark qui renferme 18 comtés, 14 baronnies et 47 fiefs. Les terres privilégiées sont inaliénables, substituées, impartageables, hors du droit commun des cadets, des créanciers et des autres propriétés. Le Danemark, avec la plupart de ses châteaux de Zélande, de Fionie, de Jutland, de Schleswig, de Holstein, de Lauenburg et des petites îles, est donc une contrée féodale comme l'Angleterre. La parole y est possible et la presse aussi. L'agriculture, le commerce, l'instruction, la marine y fleurissent à l'envi. La Suède, l'Allemagne, la Pologne et une grande partie de l'Europe est encore modelée sur ce plan traditionnel. C'est un système très logique, très enraciné, très fort par les coutumes, par le prestige des anciennes races, par les splendeurs, par les générosités et par l'exemple de l'Angleterre, qui est comme la clé de ce monde ancien. Il vivra longtemps encore, mais il finira par crouler, parce qu'au fond, il est un privilège excessif. Que l'on en soit heureux ou contristé, il faut le reconnaître, c'est la France qui est l'exemple du monde moderne, comme l'Angleterre l'est du monde ancien. La France ruine les majorats, elle protège les créanciers, elle respecte plus l'équité que le nom. Elle a un petit article de son code civil, plus terrible que toutes les lois agraires. Cet article, ce coin d'acier dans le système du Moyen-Âge, c'est l'article qui brise le droit d'aînesse et qui garantit à tous les enfants une même part de propriété comme la nature leur réserve une même part d'affection. Tel est le texte fatal aux aristocraties. Ce texte même fut pour la France plus qu'un texte, il fut une étincelle et cette étincelle alluma l'incendie qui achève de consumer tout notre monde féodal.